Bonjour, c'est mardi matin et il est grand temps de s'évader. Aujourd'hui, trois titres qui font vibrer la scène hexagonale et ses influences pop-rock. Laisse-toi surprendre, car tu l'auras compris, aujourd'hui nous allons écouter et décortiquer trois titres pop-rock de chez nous, en France, et je suis à peu près sûr que tu en connais au moins un. Et donc on ne perd pas plus de temps, en avant-première locale, ça commence en douceur, Phoenix et leur tube pop-rock Listomania vont te faire danser sur un air indé moderne. Ce morceau de Phoenix, sorti en 2009 et que tu viens d'écouter, est un titre qui fait référence à l'engouement autour du compositeur Franz Liszt, d'où le titre Listomania, au 19e siècle. Le groupe français y mélange un clip rétro, hommage à Alfred Hitchcock, célèbre réalisateur, avec un son très dansant, symbole du style French Touch. Concernant la minute curiosité du jour, eh bien le clip de l'aventurier d'Indochine, un de leurs plus grands tubes, que nous allons écouter juste après, regorge de clins d'œil culturels. On y voit Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine, brandir un portrait de Bob Moran. Mais alors, qui est Bob Moran, tu me demanderas? Eh bien, c'est un héros de roman et de bande dessinée. Et on voit même l'avion de Corto Maltese, également un personnage de BD. Deux références geek pour les fans de BD et de romans d'aventure. Et justement, la culture geek, la pop culture, j'ai envie de dire, c'est un des maîtres mots de Bisoy. On ne fait pas que de la radio ici, on parle vraiment de tout ce qui touche de près ou de loin à la pop culture. Et Bob Moran et Corto Maltese en font bien évidemment partie. Donc je te passe tout de suite le morceau d'Indochine, l'aventurier, direction les années 80. L'aventurier est un hymne new wave inspiré donc des romans de Bob Moran, un vrai classique du rock français. Et je te le passe tout de suite. Merci d'être avec nous sur Bisoy. We'll be right back. l'as entendu, l'aventurier de Indochine sorti en 1982. Le titre fait bouger, le titre c'est du sacré bon son et il faut savoir que c'est un titre écrit en seulement 4 heures par Nicolas Sirkis. Les paroles regroupent plusieurs noms d'aventures du héros de Bob Moran. Ce hit a vite grimpé dans les charts français et reste indémodable en concert. Ça ne m'étonne même pas. Et même si le titre est sorti il y a plus de 40 ans maintenant, eh bien, on connaît toutes et tous au moins de nom. Le titre « L'aventurier de Indochine » et tu l'as, j'ai pas envie de dire tu l'as découvert car je suis à peu près sûr que tu le connaissais déjà, mais tu l'as redécouvert et c'est un plaisir pour bien se réveiller en ce mardi matin. Maintenant, direction les bons plans locaux avec les Cinémas du Sud. C'est un festival de cinéma consacré aux cinématographies arabes et méditerranéennes, hein, sans change, organisé à Lyon. Sur la semaine du 15 au 18 avril 2026, donc ça commence demain et ça se termine samedi. Et prévu pour l'édition 2026, il met en lumière la diversité culturelle, sociale et artistique du monde arabe à travers le regard de ses cinéastes. L'événement s'inscrit dans la tradition lyonnaise d'accueil des cultures visuelles internationales, donc si tu es dans le coin ou si tu n'es pas bien loin de Lyon, je t'invite vivement à aller assister à ce festival, surtout si tu aimes les cultures arabes et méditerranéennes, ou tout simplement si tu es curieux, je suis à peu près sûr que tu découvriras des films qui ne passent pas forcément à la télé, et c'est à peu près sûr que tu vas passer un bon moment. Et d'ailleurs, toujours à Lyon, sur cette même semaine, si tu as prévu de prendre une petite semaine ou quelques jours à Lyon, hein, c'est les vacances en plus, eh bien, il y a le concours international de musique de chambre. Oui, là, on change d'univers, hein, on passe du cinéma à la musique de chambre. Mais c'est une compétition qui existe bel et bien, hein, c'est une compétition de musique classique fondée pour promouvoir l'excellence et l'innovation dans la musique de chambre. Basé à Lyon, il réunit chaque année de jeunes ensembles du monde entier, attirant l'attention du milieu professionnel européen. Cette année, c'est quand même le 21e concours, hein, donc ça fait, si c'est un concours par an, ça fait quand même 21 ans que ça existe, hein, c'est pas rien. Et cette année, du coup, il y a 12 quintettes sélectionnées. Allez, après ces bons plans, je te propose d'écouter un nouveau son, place à l'émotion plus actuelle, Christine and the Queens, quand elle portait encore ce nom, ou quand il portait encore ce nom. Cet artiste propose le titre Christine, une ballade pop au texte bilingue, français-anglais, et c'est un titre qui a lancé sa carrière, il faut bien le dire, donc je te le passe tout de suite sur Bissoy, ta web radio préférée. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur moitié, on compte à demi-demi. Pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu paraît cassé, tout n'est qu'épié et plié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait je fais tout mon mico au mercurochrome. C'est vrai, ce titre, on aime ou on n'aime pas. L'artiste, on l'aime ou on l'aime pas. Chacun a ses goûts, chacun ses droits également. Et donc, pour dire quelques mots quand même sur ce morceau, Christine, c'est un titre sorti en 2014 et c'est un titre issu de l'album Chaleur Humaine. Et ce premier single a propulsé l'artiste sur le devant de la scène. Il mélange habilement paroles françaises et rythme électro. C'est un cocktail qui a séduit public et médias. Et quand ce morceau est sorti, donc il y a 12 ans maintenant, je suis à peu près sûr que tu l'avais déjà entendu sur d'autres radios ou même à la télé. Voilà, c'est quand même un titre assez connu, hein. C'est un titre qui a propulsé l'artiste sur le devant de la scène. Donc voilà, comme je disais, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas nier que ce titre a quand même eu un certain impact sur le paysage musical. Et on arrive déjà à la fin, oui, je sais, ça t'ennuie, moi aussi ça m'ennuie, mais t'en fais pas, on se retrouve demain, et avant de se quitter, c'est l'heure de l'horoscope, Bistoy. En ce mardi, ça s'accélère. Bélier, tu es direct et efficace, comme d'hab. C'est vrai, nous sommes directs et efficaces. Taureau, ta patience commence à payer. Gémeaux, des surprises dans tes échanges risquent d'arriver, reste ouvert. Cancer, tu captes tout aujourd'hui, fais confiance à ça. Lion, tu vas avoir une petite victoire aujourd'hui, mais aussi et surtout un gros coup de boost. Et j'espère que ce Morning Bisoy t'a commencé à te donner ce petit coup de boost. Vierge, le détail qui change tout, c'est toi, sois-en conscient ou consciente. Balance, une discussion remet tout à l'équilibre, on le dira jamais assez, la communication, c'est ce qu'il y a le plus important, que ce soit en amour ou en amitié. Scorpion, tu lis entre les lignes comme personne. Sagittaire, nouveau truc en vue, fonce. Capricorne, tu gardes le cap, quoi qu'il arrive. Tu as vu ? Capricorne, cap, j'aime faire de l'humour. Verseau, créativité en freestyle aujourd'hui. Poisson, journée douce, respire un peu, tu le mérites. Et donc merci à toi de nous avoir suivis pour ce Morning Bisoy Made in France. On se retrouve demain, mercredi, avec les classiques du rock international. En attendant, reste branché, continue d'écouter du bon son, continue d'être fidèle à Bisoy. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et chaque semaine à nous écouter et on vous en remercie. Garde toujours en tête ce slogan, ce credo, sois sans vibre, be, feel, vibrate. Car Bisoy, tu sais ce que c'est, le son qui bouscule les codes. Allez, salut et à demain.